Allez, c'est reparti. On repioche. Ouais. Annie. Moi, je trouve que dans notre groupe d'amis, bah, on est toutes des copines. Mais quand il n'y a pas... Genre, il n'y a pas eu de fille depuis qui s'est intégrée au groupe. Oui. Ça a toujours, c'est toujours resté le même. Il y en a une qui a essayé. Oui. C'est pas grand-chose. Mais c'est pas trop... Il y en a plusieurs. C'est pas comme nous, en fait. Ouais, c'est vrai, elle est... Elle est pas, c'est pas, c'est pas la même mentalité. Voilà, voilà. Prenez le délire. Voilà. Les hypocrites. Dans la gentillesse. C'est pas méchant, ouais. Mais... Tu laisses pas. Les hypocrites. Ok. Ouais. Okay. C'est quoi les hypocrites? Ceux qui parlent sur ton dos. Non, en fait, au début de la rentrée... Ouais, vas-y. En fait, par exemple, à la rentrée, celle qui a voulu s'intégrer avec nous, au début, on est allé la voir parce qu'elle était toute seule. Et donc, au début, bon, on voyait qu'elle était un peu bizarre parce que nous, on se sociabilise vite. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un, on va vite aller dire « Oh, salut, t'es tout seul, nana, que je veux te joindre à nous, peut-être, et tout. » Et elle, on voyait qu'elle était assez froide, genre, elle disait presque pas bonjour tout le temps, elle faisait avec un air hautain, etc. Et du coup, bah, après, on a vu qu'elle avait pas la même mentalité. Mais... Et en plus, on a appris à la connaître avant. Et quand elle a trouvé un groupe d'amis, du coup, bah, elle nous calculait plus trop. Mais après, ça, c'est pas grave, ça nous dérange pas en soi. Ça nous arrange. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, on n'aime pas, on n'aime pas vexer. On va pas lui dire non et tout. Donc ça nous, ça nous arrange. Mais du coup, vu que son groupe d'amis d'avant, il l'a vite lâché, du coup, elle a vite voulu revenir avec nous, sauf que nous, on n'est pas des bouche-trous. Ouais. Du coup, elle a vite compris. On lui a pas expliqué pourquoi, elle l'a juste vu. Et en même temps, on a appris à la connaître beaucoup mieux et c'est... Après, on n'a pas besoin d'autres amis. Ouais. Oui, ça suffit. Ça sert à rien d'avoir beaucoup d'amis. Enfin... Oui. Il y a pas des fois des ados qui cherchent, par exemple, sur les réseaux, à avoir le plus d'amis ou de likes ou de follow oui. Possible. Ouais, dans notre groupe d'amis, c'est vraiment pas notre but. On cherche pas à plaire aux gens. En fait, on n'est pas du tout sur des réseaux. Enfin, on a des réseaux, mais on va pas se montrer sur les réseaux. Oui, voilà. On n'est pas du tout. Mmh. Ok. Mmh. Je pense que c'est bon. École. Je crois qu'on a déjà parlé. Hein. Je m'en vais t'entendre. Ouais. Comme d'habitude, ce qui dit école, dit harcèlement. Du stress, du responsabilité. Tous les mots qu'on a déjà repris. Ça rassemble un peu. Et la différence entre l'école et le collège? Il y a moins de trucs. Enfin, on a moins de responsabilités déjà à l'école qu'au collège. On se souciait pas vraiment des choses qu'il y avait autour de nous à l'école. Alors qu'au collège, maintenant, ça a changé. On parle de l'école primaire. À l'école primaire, on avait des amis avec qui on jouait, mais maintenant ils ont complètement changé de mentalité. On leur dit même pas bonjour si un jour on est à côté ou dans le même événement, à une fête ou quoi, c'est parce que nos mères elles se connaissent et puis tous les trucs comme ça, mais sinon c'est vraiment pas. Ils ont vraiment changé beaucoup. Après, il en reste quelques-uns qui n'ont pas trop changé. On dit toujours bonjour, on rigole toujours avec eux, mais la plupart, ils ont vraiment beaucoup changé. C'est quoi qui change? Les mentalités. Vraiment, genre, on va, par exemple, si on traîne trop avec eux comme avant, à l'heure d'aujourd'hui, si on traînerait trop avec eux, oui, mais elle force et tout, et nanani, et elle veut juste... Elle veut juste rester avec nous. Genre, des trucs comme ça, des trucs méchants qui se disent pas. Alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça. On reconnaît vite les vrais amis, en vrai, parce qu'il y a des filles où on a fait leur connaissance vraiment avant tout le monde. Et maintenant, c'est même plus notre copine. Quand elles trouvent quelqu'un d'autre, elles oublient vite qui les a connus avant. Voilà.

Ils vont se montrer pour eux, ils vont aller se promener en ville, par exemple, normal, avec ça, à la main. Ou même, ils vont prendre des photos, les poster sur les réseaux. Une fille, c'est mal fait. Ouais. Une fille, je dirais. Que... Ouais. Et il y a des choses que les garçons peuvent pas faire et que les filles peuvent faire Ouais, c'est... Oui. Enfin, maintenant, il y a des gens comme ça, mais le maquillage pour les garçons... Ouais, ça, par exemple, ils peuvent pas le faire. Ouais, sinon, enfin, pour les gens, enfin, oui. Après, ouais, il y a aussi les habits aussi, comment on va s'habiller la personne. Oui, en fait, la génération de maintenant, elle critique beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Par exemple, il y a... Oui, voilà. Même, tu mets juste un jean. Enfin, t'es un garçon, tu mets un jean, des fois, ça va te... Ça va vraiment te tailler. Alors que c'est un jean, quoi. Alors que, par exemple, une fille aussi qui s'habille trop masculin, là aussi... Même une fille qui va s'habiller trop féminine, enfin, mettre des petits hauts, des pantalons vraiment serrés, des jupes. Après, ça... Ça balance. En fait, quand un garçon, par exemple, il va s'habiller classe, franchement, des fois, c'est beau. C'est beau de voir quelqu'un bien s'habiller. Oui, ils sont plus sur le style de survêt, basket et tous les jours comme ça. Si un garçon il va s'habiller classe, malgré qu'il n'y ait pas d'événement ou quoi, vraiment classe, parce qu'il a envie de s'habiller comme ça, bah, ils vont dire, ah ouais, lui, il fait trop le mec, il veut prouver je sais pas quoi qui. Et même pour les garçons, par exemple, qui vont s'habiller en jupe, en vrai, peut-être que tu n'es pas pour ça, mais tu n'as pas besoin de le montrer. Ouais. Et peut-être tu peux le garder pour toi après, même si t'es pas pour, mais tu peux pas aller l'insulter parce qu'il porte du maquillage et tout, mais tu le gardes pour toi même si t'aimes pas. Ouais. D'autres réactions? Non. Non? Non. Il reste deux papiers. Je crois qu'après ça, on a déjà fait. Ouais. Je crois que... crise d'adolescence. Ah, c'était ça tout à l'heure. Moi, c'est bon, on peut en parler. On pioche un prochain, on n'a pas. Mais en fait, on l'a déjà fait tout à l'heure. Enfin, c'était ce que tu avais en lui. En fait, moi, je vous ai posé la question et vous n'avez pas l'air d'être concerné, en tout cas. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Ouais. Pour vous, la crise d'adolescence, vous la vivez ou pas? Non. Enfin, nous ou chez nous Pour vous, personnellement. Nous, personnellement. Non, moi, je crois, enfin, ça commence, hein. En fait, moi, je pense qu'une crise d'adolescence, c'est quand on commence à plus écouter ses parents. Ouais, à répondre. Oui, insulter. Répondre, faire des choses en cachette, par exemple, fumer en cachette, sortir en cachette. Bah, faire tout ce que les parents ne veulent pas, quoi. Non, vraiment. Voilà, désolé. Non, je crois pas. Nous, on appelle, par exemple, nos parents à chaque fois pour leur dire « Oui, j'arrive dans 5-10 minutes. » Après, ils disent pas non aussi. Donc non, on n'a pas... Enfin, on a... Non. Ouais, voilà. Ok. Collège-lycée. Ok. Ouais, ça revient... Moi, ça revient tout le temps sur à peu près tout ce qu'on a dit, ça rassemble. En vrai, au lycée, on n'a pas encore vu, donc peut-être que c'est différent au du lycée, collège. Ouais. En plus, c'est plus grand, il y a beaucoup plus de personnes. Peut-être c'est plus c'est pire que le collège, hein. Votre bande. Non, mais les personnes et tout malveillantes, c'est pire peut-être, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Non, c'est mais bien. Hein, c'est bien. Non, mais le lycée, c'est bien, ça, mais genre les personnes, on verra l'année prochaine. Déjà, il y a des personnes méchantes au collège, alors au lycée c'est plus grand, c'est qu'il y a plus de personnes. Ouais. Et vous allez plus être ensemble? On va toutes un peu se séparer, se disperser, mais après, en vrai, je pense que chacune pas, espère que ça change pas trop, mais... Ouais. Après, ça va pas changer si on veut pas... Enfin, ça change pas si t'es pas dans la même classe que l'autre. Oui, mais genre, par exemple, si pas que la même classe, par exemple, le même lycée, pas les mêmes horaires. Ouais, mais après, il y a les week-ends, il y a les vacances. Oui, il y a les devoirs, il y a les examens, il y a plein de trucs. Après. Oui, mais en seconde, il y a pas, y a pas beaucoup de choses, quoi. Non, mais... On va faire un lycée. Moi, en vrai, j'ai hâte d'aller au lycée. Parce que je trouve que c'était... Enfin, on a plus de liberté au lycée, enfin, je crois. Oui, moi, je veux surtout quitter le collège. Ouais. Je veux plus partir au lycée, parce que les mentalités du collège... C'est du... On a connu tous les gens, et franchement, c'est pas des gens fréquentables, c'est pas des gens... Bah après, c'est peut-être ce collège-là où on est, hein. Oui, bah, il y a plein d'autres collèges. Il y a un collège qui est très raciste. Sur Chambéry, c'est le collège du Rocher. C'est le collège du Rocher, oui, c'est moi, c'est une histoire Anna-Chloé. Qui est passée sur Instagram en plus. Elle est passée plein de. Touche pas à mon poste. Plein de. Ah bon? Oui, elle est genre elle est aussi elle est passée sur touche pas à mon poste et tout dans la story de plein même sur BFM touche pas à mon poste. Oui, c'est ce que j'avais dit. Alors est-ce que vous pouvez me raconter, moi je suis pas au courant. C'est une petite, bah elle est noire, ça parle du racisme. Elle se faisait plein de fois bah critiquer, il lui disait bah le mot le mot qu'il faut pas dire quoi. Et oui voilà. Et on l'insultait et tout. Et une fois il y avait, je crois il y avait une fille qui voulait la frapper. Et du coup elle elle a couru et quand elle a couru Non, c'est quelqu'un qui l'a fait. En fait, ça, c'est une fille qui, dès la rentrée, elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes avec des élèves. Donc, elle a fait sa rentrée en 6e. Elle pensait que tout allait bien se passer. Elle a fait sa rentrée en 6e, normalement. Elle a commencé. Elle faisait pas trop ses devoirs, etc. Sa mère, elle savait pas d'où ça venait. Elle en parlait pas. Donc, le collège, ils ont convoqué sa mère. Soi-disant. Qu'elle avait des enfants à garder, les enfants de sa mère, ou je sais plus quoi. Mais il y a eu deux versions différentes. Il y a eu la version du proviseur, son avocat il a parlé, et la version d'Anna Chloé, donc de l'avocat aussi. Il y en a qui disent ça, après il y en a qui disent que Anna Chloé elle était harcelée, on va dire, depuis la rentrée, ça lui lançait des piques, etc. Et ensuite, c'était vers le mois de décembre, juste avant les vacances, juste avant les vacances de Noël. Et bah, elle était dans la cour, soi-disant, et ils sont venus en groupe, ils sont venus pour l'insulter, la bousculer, etc. Elle, elle a voulu aller se plaindre. En allant se plaindre, elle a couru. Donc, de la part du proviseur, elle serait tombée toute seule, elle se serait pris le banc au niveau de tout ici. Et c'était vraiment profond, il y a eu des photos et tout. Et de la part de Anna Chloé, ce serait un garçon qui l'aurait poussé avec vraiment il lui aurait attrapé la main et soi-disant il y aurait des griffures comme quoi il l'a attrapé. Et du coup bah l'histoire elle s'arrêtait là pour l'instant, il n'y a pas de suite. Et le collège bah il est toujours en fond. Enfin, elle veut plus y retourner. Ouais, elle veut plus y retourner et tout. Sa mère elle manifeste à Paris tout le temps. Et voilà, des influenceurs, ils ont partagé et tout, et voilà. En vrai, après, avec tout ce qu'elle a vécu, je crois pas que c'est qu'elle est tombée seule après, mais on sait pas. Ce que... Il y a plein de gens qui disent plein de choses. Après, et il y a plein d'élèves qui témoignent, mais on saura jamais. Il y a des élèves qui témoignent qu'elle serait tombée toute seule, et d'autres qu'on l'aurait poussée. Ouais. Donc la vérité, on sait pas de qui elle vient, en fait. Et voilà. On arrête ? Oui. Merci les filles. De rien. Merci beaucoup.